est à moitié pardonné. Il y a un grand moment, il est à moi. Il est pardonné. Je frappe fort.